reviens dans la voie de droite. Si je prends la prochaine sortie, oui, réponse A, non, réponse B. Si je continue sur l'autoroute, oui, réponse C, non, réponse D.